Muhammad wa Ali wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc pour la traduction de la parole du cheikh hafidhahullah, donc je vais vous dire ce que j'ai pu retenir de ce rappel de notre noble cheikh. Un cheikh a commencé par, comme vous connaissez, khutbat al-haja, en faisant les louanges à Allah, en le louant, en implorant son aide, en implorant son pardon, en disant que celui qu'Allah guide, nul ne pourra être égaré, et celui qu'Allah égaré, nul ne pourra être guidé. Ensuite, Shir a donné pour cette nuit, pour ce soir, pour ce rappel, il a donné la date, il a dit qu'on est au mois de Rabi' al-Thani, en l'an 1439 de l'Hégire. Et il dit qu'il est heureux de se rencontrer, de rencontrer les frères à travers cette conférence qu'il va donner. Et il dit que cette conférence aura pour titre et pour thème le mérite et la vertu de la science et les vertus de la science et des gens de science. Et il commença en disant, sachez mes chers frères qu'Allah a fait des recommandations dans son livre et a fait de nombreuses recommandations. Il a, par exemple, Allah Jalla wa Ala, recommandé aux prophètes et aux messagers At-Tawhid, qui est la chose la plus importante. Et dans un verset, Allah aussi a recommandé le fait de suivre le droit chemin. Comme dans un verset où Allah dit, Jalla wa Ala, en traduction relative du sens du verset, et ça, c'est certes le droit chemin, suivez-le et ne suivez pas les sentiers. Donc Allah Jalla wa Ala a fait des recommandations. Comme Allah Jalla wa Ala a recommandé les gens du livre, comme Allah aussi a fait des recommandations pour les enfants envers leurs parents, du fait qu'ils doivent être bienfaisants et bienveillants envers leurs parents. De même, il a fait des recommandations pour les parents envers leurs enfants. Donc il dit, vous trouvez dans le livre d'Allah toutes sortes de recommandations. Il dit, ces recommandations sont des rappels, du fait que l'individu oublie. C'est pour cela que Cheikh a mentionné que le mot al-insan en arabe, qui désigne l'homme, ici, il a été appelé insan et nommé insan. Pourquoi ? Parce que certains savants ont dit parce que l'homme oublie. Et il a argumenté cela en mentionnant le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète a dit « Inni ana basharun ansa kama tansaun fa idha nasitu fa dhakkiruni » Certes, je suis un homme parmi vous. J'oublie comme vous oubliez. Lorsque j'oublie, faites-moi le rappel. Donc lui-même, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, a mentionné que c'est un homme comme les autres et qu'il peut oublier. Alors, il faut lui rappeler. De même, l'homme, on doit lui rappeler. Pour cela, il dit, ces recommandations ici servent à rappeler, à faire le rappel à l'homme. Comme il a mentionné l'histoire de Adam, qui avait donné 40 années de sa vie pour le prophète Daoud, à la fin, lorsque l'ange de la mort est venu, alors qu'il avait atteint 960 années, lorsque l'ange de la mort est venu, il avait oublié cette donation qu'il avait faite. Et l'homme est ainsi. L'homme oublie, alors il faut lui rappeler. Alors il dit pour cela, beaucoup de gens, de même, oublient l'au-delà, et il dit, ils vivent dans ce qu'on appelle el-rafla, la distraction et l'insouciance. Pour cela, il lui faut lui faire des rappels. Malgré qu'il entend de nombreux sermons, malgré qu'il entend de nombreux rappels, malgré qu'il entend de nombreuses exhortations, mais malgré cela, l'homme oublie. Et pour cela aussi, il faut lui faire le rappel, lorsque el-bidar, les innovations aussi se sont répandues et se sont multipliées, alors l'homme a besoin de ses recommandations et de ce rappel. De même, lorsque les passions, les désirs, les envies, al-shahawat, se répandent et se multiplient, alors l'individu, l'homme, a besoin de recommandations et a besoin donc de rappels. C'est pour cela qu'il dit, ce soir nous allons nous faire une recommandation réciproque et mutuelle. Cette recommandation est liée au mérite de la science et le mérite des gens de science. Il dit, malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas le mérite et les vertus de la science. Et de ce fait, ils ne connaissent pas les mérites des gens de science. Alors il dit, malgré que beaucoup de gens, par contre, connaissent les mérites de l'argent et connaissent les vertus de l'argent et ils savent comment amasser de l'argent et comment amasser les biens. Par contre, pour la science et le ilm qui est encore plus bénéfique, alors là, beaucoup de gens sont ignorants de cela. Il dit, ce qui va montrer et indiquer le mérite de la science, il dit premièrement et première chose, donc il va citer de nombreux points. Premièrement et première chose, il dit lorsqu'Allah Jalla wa Ala a révélé au prophète le premier verset qui est « Li », qui est le verset « Iqra », le verset « Li ». Alors là, ça dénote et indique bien le mérite de la science, le fait qu'Allah Jalla wa Ala a donné cet impératif au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant « Li », ici qui sous-entend ici « Al-ilm » donc. Deuxième chose qui mérite, qui vante les mérites et qui montre les mérites de la science, il dit c'est que la science, l'ilm, précède l'action. Précède l'action. Pour cela, Allah, dans son livre, a dit une traduction du sens du verset, fa'alam annahu la ilaha illallah, fa'alam annahu la ilaha illallah ou illahu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc, lorsqu'Allah a dit cela, dans son verset, fa'alam. Donc Allah a ordonné au prophète sallam de savoir. Donc la science a précédé l'action. Et ce qui prouve cela, c'est lorsque l'imam al-Bukhari a dit, lorsqu'il a intitulé l'un de ses chapitres, il a dit « chapitre de la science qui précède l'action ». Donc parmi aussi les mérites qu'a mentionné Ash-Sheikh, il a mentionné un troisième mérite que je n'ai pas écrit, que j'ai oublié de mentionner, si vous l'avez. Donc, je passe au quatrième. Si un frère l'a noté, si quelqu'un l'a noté, qu'il nous fasse le rappel. Le quatrième qu'il a mentionné, il dit le lien qu'il y a entre l'action, qu'il y a avec l'action, ici, et la science. Le fait que l'action est liée à la science. Le fait que l'action est liée à la science, comme c'est dénoté dans le verset « Amilatun nasiba ». Il a mentionné, argumenté cela, avec ce verset. De même, il a argumenté cela, le fait que l'action est liée à la science pour qu'elle soit valable et acceptée. Le hadith qui est appelé le récit de celui qui a mal prié. Qui a mal prié. Alors qu'un jour, un homme est entré dans la mosquée en présence du prophète, sallam, et il a prié. Le prophète a vu cet homme prier. Lorsque cet homme est venu saluer le prophète, sallam, le prophète lui a dit « Retourne prier car tu n'as point prié. » Et cela à trois reprises. Et cela à trois reprises, jusqu'à ce que l'homme est venu au prophète sallam et lui a dit « C'est la seule manière dont je sais prier, je ne connais pas une autre manière de prier. » Le prophète sallam lui enseignait la manière et la bonne manière de prier. De là, on voit que la validité de l'action, ici, est liée à la connaissance. Est liée à la connaissance, et ça, ça démontre bien et indique bien la valeur de la science. Cinquième mérite, qui indique le mérite de la science, alors il dit le prophète n'a demandé de rajout sur aucune chose. Le prophète ensemble a demandé à Allah de lui rajouter si ce n'est pour la science. Si ce n'est pour la science. Lorsque dans le verset il dit ô Seigneur, rajoute-moi de la science, traduction relative du sens du verset qu'a cité Shir ici pour argumenter ce point-là. Sixième point, sixième mérite en ce qui concerne la science. Il dit, l'ilmu, c'est le meilleur don et le meilleur cadeau. Et le meilleur cadeau. Dans cette vie d'ici-bas. Et il dit, ce qui prouve cela, on a une anecdote et une histoire de Abdallah ibn Abbas, qui dit, un jour, il se rendit plutôt chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et chez sa tante, Maymouna. Maymouna, qui était sa tante et qui était l'une des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a voulu passer la nuit chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il est rapporté dans cette anecdote que Abdallah ibn Abbas n'a pas dormi. Il voulait voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et voir la prière nocturne du prophète, sallallahu alayhi wassalam. Donc il avait préparé ce qu'on appelle el-wado, c'est l'eau par laquelle on fait ses ablutions. Et là, le prophète interrogea Maymouna et lui dit, qui est-ce qui a préparé cela? Elle dit, c'est Ibn Abbas, c'est Abdallah. Alors le prophète invoqua pour Abdallah ibn Abbas la célèbre invocation lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oh Allah, octroie-lui la compréhension de la religion et at-ta'wil. » Et le shira dit que at-ta'wil c'est at-tafsir. L'exégèse c'est la compréhension des versets du Coran. Alors il dit pour cela, l'imam al-Dhahabi a mentionné dans Sira A'lam al-Nubala, il a mentionné une histoire, une anecdote, du fait que lorsqu'il a parlé de Abdallah ibn Abbas, avant de mentionner l'anecdote, il dit que Abdallah ibn Abbas, il l'a décrit comme étant un océan de science, de savoir. Un océan de savoir. Et Abdallah ibn Abbas, pour cela, a bénéficié de l'invocation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ce qui dénote que la meilleure chose, c'est la science. Pourquoi? Parce que le prophète a invoqué pour lui en demandant qu'Allah lui donne al-ilm, le savoir et la bonne compréhension de la religion. Et il dit pour cela plus tard, les années qui vinrent, plus tard, alors un homme demanda à Abdallah ibn Abbas la cause pour laquelle il vit de nombreux gens qui stationnaient devant la porte de Abdallah ibn Abbas et se battaient devant la porte de la maison plus tard de Abdallah ibn Abbas. Zdiham, il y avait ici énormément de gens qui étaient devant la porte de Abdallah ibn Abbas. Alors un homme interrogea Abdallah ibn Abbas en lui demandant quelle était la cause pour laquelle ces hommes كانوا يستحمون أمام الباب. Alors Abdallah ibn Abbas il dit ces hommes sont venus chercher العلم, la science, et il fit entrer les gens selon leur catégorie de savoir, les gens qui connaisseurs de des versets de la langue arabe et autres. Et comme cela, Cheikh ici a dénoté le fait que l'ilm c'est le meilleur don et le meilleur cadeau. Septième point, septième mérite en ce qui concerne la science, c'est que il a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que la meilleure chose, le plus grand bien pour l'individu, c'est lorsqu'Allah lui donne al-ilm. Et lorsqu'Allah, le prophète sallam dit dans un hadith, traduction relative du sens du hadith, si Allah veut du bien pour son serviteur, il l'instruit dans la religion. Traduction relative. Il l'instruit dans la religion. Mafhoum al-mukhalafa, donc la compréhension à contrario, ici à l'inverse. Donc cela veut dire que si Allah ne veut point de bien pour son serviteur, il l'instruit pas dans la religion, il ne lui donnera pas la connaissance de cette religion. C'était le septième point ici qui dénote bien l'importance et le mérite et les vertus de la science. Et il dit pour cela, une personne dont Allah lui a comblé de bienfaits, une personne qui a été comblée de bienfaits, alors il sera muwaffaq. Allah va lui accorder la réussite. Va lui accorder la réussite, cette personne ici dont Allah lui a donné al-ilm, la connaissance de la religion. Neuvième point, ou plutôt huitième point, eh bien, le shir dit ce qui dénote le mérite de l'ilm, de la science, c'est le fait que le chemin et la voie qui mène à la science, c'est la voie qui mène au paradis. Celui qui entreprend, conformément au hadith du prophète, celui qui entreprend un chemin en cherchant une science, Allah lui facilitera une voie, un chemin vers le paradis. Donc c'est une voie vers le paradis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Neuvième mérite qu'a mentionné Ashir, il dit Al-ilmu est encore meilleur que les adorations surrogatoires. Al-ilm est meilleur et prévaut sur les adorations surrogatoires. Car il dit lorsque l'individu adore Allah subhanahu wa ta'ala par ses adorations surrogatoires, il fait du bien à lui-même, c'est-à-dire il réforme sa propre personne. Lakin sahibu ilm, celui qui a la science et qui propage cette science, alors il réforme sa propre personne et aussi les autres. Donc c'est un bien pour le reste de la communauté. Pour cela, il dit, cela dénote le mérite de la science. Et il dit le mérite par rapport à cela, c'est pour ça que le mérite des savants est comparable ici à cette nuit obscure en pleine, lorsqu'il y a la pleine lune. Il dit le dixième point qui dénote le mérite de la science, c'est que la science est encore meilleure et meilleure que les biens et l'argent. Il dit, al-ilm, ici, lorsqu'on dépense avec science, eh ben, on n'a pas diminué de notre de nos biens. On n'a pas diminué de nos biens. Lorsqu'une personne fait une dépense avec savoir, sincérité, alors il dépense et ses biens n'ont point diminué. Lorsque c'est fait avec science, avec ilm. Tandis que celui qui a des biens, mais cela n'est pas lié avec savoir et ne sait pas dépenser cela, alors il perdra ses biens et son argent diminuera. Et il cite parmi... C'est pour cela que certains savants ont dit que pour cela, la dépense, le fait de propager la science est meilleur encore que dépenser l'argent. Même s'il dit que certains savants ont vu qu'il y avait un détaillé, qu'il fallait détailler la question. Et certains savants ont dit, cela dépend de la société. Si on vit dans une société où il y a l'ilm qui est propagé, il y a l'ulama, il y a talabat al-ilm, il y a des assises de science, alors à ce moment-là, certains savants ont dit, peut-être que la dépense, faire de l'aumône et dépenser son argent, sera meilleure ici que infaq, il dit, l'ilm. Et ils disent, par contre, dans une société où l'ilm n'est pas propagé, où les innovations sont propagées, où l'ignorance s'est propagée et a pris une grande place dans la société, alors là, il dit, la propagation de l'ilm, eh ben, est encore meilleure que infaq al-mal, que la dépense des biens et de l'argent. Donc, certains savants ont détaillé la question en ce qui concerne ici l'afdaliya par rapport à la société. Mais Chir ensuite, ici dit, mais il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui réfute cela, qui réfute ce détaillé et qui dénote bien que, quoi qu'il arrive, la dépense de l'ilm et la propagation de la science est meilleure. Et ça, c'est prouvé lorsque le prophète a exhorté les gens. Vous savez, il y avait une partie de la mosquée du prophète, ceux qu'on appelait Ahl Sufa, ceux qui étaient à l'extrémité. Le prophète avait dédié une partie de la mosquée pour les gens qui étaient pauvres à son époque. Et un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a exhortés, leur a fait une exhortation et leur a démontré le mérite de la science. Et il leur a parlé, ici, Shir avait a cité un terme en disant que c'était un wed qu'il y avait à Médine, où les gens faisaient paître leurs troupeaux. Et lorsqu'il s'est adressé à eux, on va reprendre après, puisqu'il est 40. Adhan wa iqama. On continue. Je termine juste sur ce point. Lorsqu'il s'est adressé à eux, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a demandé et le bien en ce qui concerne le fait d'aller immoler des chamelles en cet endroit, en ce wed. Et ces gens qui étaient pauvres avaient vu cela grandiose et que c'était un grand bien. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite leur a dit que le fait de chercher la science, l'ilm, le fait d'apprendre ne serait-ce qu'un verset, est meilleur qu'une chamelle. Et le fait d'apprendre deux versets est meilleur que deux chamelles. Trois versets est meilleur que trois chamelles. Et cela dénote bien le mérite de la science. Cher, par rapport à ce hadith que moi j'ai résumé, j'ai vraiment résumé pour qu'on puisse terminer, puisqu'il y a de nombreux points. Alors par rapport à ce hadith, Cher dit que ce hadith réfute le détaillé, que dans tous les cas, la propagation de l'ilm est meilleure que la dépense. Ça, c'est en ce qui concerne la première recommandation, puisque Shir va faire trois recommandations. La première recommandation, en ce qui concerne, il appelle ça al-wasiyya, c'est en ce qui concerne le mérite de la science. Et il a mentionné ici, comme on a dit précédemment, 10 points. Ensuite, dans la deuxième al-wasiyya, qu'on va, après al-salat, qu'on va terminer la traduction, inshallah, bihaulillah, deuxième wasiyya, c'est en ce qui concerne le mérite des gens de science, des ulama, des savants. Et là, il va mentionner aussi des points qu'on va énumérer. Il va mentionner 10 points aussi. 10 points. Ensuite, il va mentionner la troisième recommandation. La troisième recommandation qui sera liée au majalis al-ilm, les assises de science. Et là, Shir va mentionner 11 points. 11 points, inshallah, qu'on énumérera, inshallah, ba'd as-salat bihaulillahi jalla wa ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc inchallah on va terminer inchallah la traduction très brièvement, inchallah très rapidement, on va pour pas trop vous retenir inchallah. Donc on est arrivé à la deuxième wasiya, Donc on a pris les 10 premiers points, donc le Cheikh avait mentionné 10 points dénotant ici les mérites de la science, donc c'était la première recommandation. La première recommandation du Shir, c'était sur le mérite de l'ilm et de la science. Il nous manquait juste ce troisième point, et un frère a noté que c'était la fonction, le fait que l'ilm, la propagation de la science, était la fonction du prophète, alayhi salat wa salam, le fait que dans le Coran, Allah mentionne qu'il lui a révélé le Coran, l'a enseigné, et l'hikmah, et le prophète, alayhi salat wa salam, donc doit transmettre. Cela, ça dénote le mérite de l'ilm, de la science. Donc on a pris les 10 points, inshallah, démontrant le mérite de l'ilm. La deuxième wasiya maintenant, la deuxième recommandation, c'était en ce qui concerne la valeur des ulama, la valeur des gens de science. Et le shir, d'une manière résumée, nous a dit que beaucoup de gens, hein, une majorité de gens, ne connaissent pas le mérite des ulama, des gens de science, et ne connaissent pas la valeur des gens de science. Et bien plus grave, beaucoup de gens vont jusqu'à dénigrer et critiquer les savants. Et c'est là du fait qu'ils ne connaissent pas la valeur de ces gens, de science. Alors il dit, ces gens-là qui dénigrent les ulama, ce sont les gens des passions. Comme disaient les pieux prédécesseurs, celui qui dénigre ahl al-ilm, les gens de science, fa'alam annahu sahibu hawa. Sache que ce sont les partisans de l'innovation et des passions. Et c'est pour cela qu'il dit, sachez que les savants veulent du bien pour la communauté. Et ce qu'ils veulent, c'est le bien pour la communauté. Et ils ont un profond souci pour les membres de la communauté. Et le bien qu'ils veulent pour les gens, parfois, il dit, il est encore plus grand et plus intense que le bien que veut la maman pour son enfant, que veut la mère pour son enfant. Donc, les savants ont une compassion. Une compassion pour les gens, pour les membres de la communauté, ce qui dénote ici leur valeur. Donc il dit, et il va mentionner maintenant, comme précédemment, des points dénotant et montrant la valeur des gens de science. Il dit premièrement, Allah, dans le Coran, premier mérite, c'est qu'Allah, dans le Coran, dit qu'il les a élevés. Allah a élevé les gens de science lorsqu'Allah dit « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Allah a élevé les croyants parmi vous et ceux qui ont acquis l'ilm en degré, Donc dans ce verset, Allah Jalla wa Ala, ici nous enseigne qu'il a élevé l'ilm, les gens de science, en degré. C'est-à-dire premièrement les croyants de la communauté et d'une manière plus particulière les gens de science, et cela en degré. Deuxième mérite, Allah les a pris comme témoins. Lorsqu'Allah dit dans le verset, une traduction relative du verset dans sourate Ali Imran, lorsqu'Allah dit « Allah a témoigné qu'il n'y a nul qui mérite l'adoration si ce n'est lui ». Ensuite, Allah a mentionné le témoignage des anges. Et les anges ont témoigné, « wa ahlul ilm » et les gens de science aussi ont témoigné cela, « wa ulul ilm qa'imam bil qist ». Et donc, il dit « Allah » a lié leur témoignage à son témoignage. Allah a lié son témoignage, c'est-à-dire, ou plutôt le témoignage des gens de science, à son témoignage. Et il a lié le témoignage des gens de science aussi au témoignage des anges. Ce qui montre ici la valeur de ces savants. Et le Cheikh aussi a dit, à savoir que les anges sont les gardiens dans les cieux et les savants sont les gardiens sur terre. Troisièmement, il dit que ce qui montre le mérite des gens de science, c'est que leur action perdure et continue, même après leur mort. Et il a montré cela et argumenté cela avec le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, traduction relative, lorsque le prophète dit, lorsque l'homme décède et meurt, tout s'arrête. Toutes les actions s'arrêtent, sauf trois. Et vous connaissez les trois choses, hein? Sadaqa al-Jariya, hein, plus deuxième chose, une science qui se propage, et troisièmement, un enfant pieux qui invoque pour son père. Et en guise de faïda, il a mentionné une explication de l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi a expliqué ce récit en disant que ces trois choses sont liées au ilm. Les trois choses qui perdurent ici, ces actions-là qui perdurent même après la mort de l'individu, de l'homme, alors l'imam al-Nawawi a montré que ces trois choses étaient liées au ilm. Même l'enfant qui invoque pour son père et dit, c'est que cet enfant, son père l'a éduqué avec ilm. Son père avait un savoir et il a éduqué cet enfant et cette éducation était basée sur al-ilm, sur al-ilm. Ce qui démontre ici la valeur de ces savants, de ces hommes. Quatrième mérite que Cheikh a mentionné, c'est le fait que ces gens ont pris l'héritage des prophètes et des messagers. Ce sont les héritiers des prophètes et des messagers. Comme il est mentionné dans un hadith, le prophète sallam a dit, les savants sont les héritiers des prophètes alors que les prophètes n'ont ni laissé de dinar ni de dirham. Et on sait que les prophètes ont laissé l'ilm, la science. C'est pour cela qu'il a mentionné une histoire. Alors un jour, le compagnon Abu Huraira était aux portes d'un marché, était à l'extrémité aux portes d'un marché. Alors il s'adressa aux gens. Il s'adressa aux gens et leur dit, vous êtes à cet endroit alors que l'héritage du prophète se distribue à la mosquée. Alors les gens accourèrent et se rendirent à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ensuite, ils revinrent. Et Shir a fait une petite parenthèse en disant, lorsqu'on dit l'héritage, d'une manière absolue, hein, lorsqu'on mentionne ce terme dans la langue arabe, d'une manière absolue, il dit ça veut dire l'argent. Ça veut dire l'argent. Pour cela, les gens, lorsque le compagnon leur a dit, alors que l'héritage du prophète est distribué, pour eux, c'est des biens. Pour eux, c'est de l'argent et des biens qui est distribué. Mais lorsqu'ils se rendirent à la mosquée et ils virent qu'il y avait des gens, mais il n'y avait pas de biens qui se distribuaient conformément à leur pensée à eux, à leur conception des choses, alors ils revinrent. Et ils demandèrent à Abu Huraira, ils l'interrogèrent, et Abu Huraira leur fit montrer que l'ilm, ces assises de science qu'il y avait dans la mosquée, c'était l'héritage du prophète. L'héritage du prophète était distribué de cette manière-là. Alors, cela démontre ici le mérite des gens de savoir. Cinquième mérite, il dit, c'est la meilleure des paroles. Le fait de propager l'ilm, les savants, lorsqu'ils parlent, ils propagent cette science, c'est la meilleure des paroles. Conformément au verset, « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا » Et quelle meilleure parole que celui qui appelle à Allah et qui pratique les bonnes œuvres, une traduction relative du sens du verset. Donc Allah a montré dans ce verset et, en disant « Et quelle meilleure parole » C'est-à-dire que le fait d'appeler Allah, de propager ce ilm, c'est la meilleure des paroles. Sixièmement, les savants, les gens de science, ce sont les gens qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont le plus de crainte d'Allah jalla wa ala. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Et certes, Allah dit, dans le verset, une traduction relative du sens du verset, et certes, ceux qui craignent réellement Allah, véritablement Allah, ce sont l'ulama, ce sont les savants. Septièmement, ils sont, Shir dit, ils sont la référence pour le reste de la communauté. Le reste de la communauté prennent l'ulama, les gens de science, comme les référents, et cela démontre ici leur mérite. Du fait qu'il dit que les gens de savoir sont les plus connaisseurs de la communauté en ce qui concerne al-halal ou al-haram. Les choses permises, les choses licites et les choses illicites. Et ce qui montre qu'ils sont la référence, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Demandez aux gens du rappel, qui sont les savants, si vous ne savez point. » Donc Allah ordonne le fait de demander, d'interroger les gens du savoir. C'est qu'ils sont les référents pour le reste de la communauté. Et il a démontré cela, c'est le cher argumenté cela, lorsqu'il a mentionné le hadith, lorsque disparaîtra la science. Disparaîtra la science, et le prophète nous a enseigné que la science, lorsqu'elle disparaîtra, ça ne sera pas parce qu'elle a été prise, extraite de la poitrine des hommes, mais elle disparaîtra avec la mort et la disparition des ulamas, des gens du savoir. Ce qui montre ici encore le mérite des ulamas. Huitième mérite qu'il a mentionné, il dit ce sont les gens qui ont la plus grande récompense parmi les hommes. Les gens qui ont la plus grande récompense. Et il dit, et ce qui montre cela, c'est que le prophète dans un hadith dit, celui qui indique un bien, alors il aura la récompense de ce bien et de celui qui accomplit ce bien. Et celui qui montre un bon chemin, qui montre le bon chemin, alors il aura la récompense de tous ceux qui suivront ce bon chemin. Ce qui dénote ici indique bien que les ulama ont une énorme et immense récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit 9e mérite ici, il dit le fait que ce sont les meilleurs des gens. Ce sont les meilleurs des gens. 10e mérite que le cheikh a mentionné, toutes choses sur terre et dans les cieux invoquent pour Ahl al-Ilm. Invoque ici, pour Ahl al-Ilm. Il dit même les animaux, même le poisson dans l'océan, dans la mer, invoque pour les gens de science. Donc ça, c'était les 10 points. Les 10 mérites que Cheikh a mentionné en ce qui concerne cette deuxième recommandation, le mérite des gens du savoir. Troisième et dernière recommandation, maintenant il dit la recommandation concernant Majalis al-Ilm, les assises de savoir et de science, le mérite des assises, des cercles si vous voulez, de science. Il dit alors ces assises ont d'immenses vertus et mérites. Premièrement, il a mentionné les anges parcourent les terres et cherchent, sont à la recherche de ces assises, de ces cercles de savoir. De ces cercles de savoir. À savoir qu'il dit que les anges sont les êtres qui ne désobéissent point à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces êtres créés de lumière. Eux cherchent et parcourent la terre pour, à la recherche plutôt, de ces cercles de savoir. Deuxièmement, Majalis al-Anbiya. Il dit, ces assises et ces cercles de savoir sont les cercles des prophètes. Ce sont les assises des prophètes. Troisièmement, il dit, c'est Majalis al-Iman. Ce sont les assises de l'Iman. Lorsque l'individu va assister à ces cercles de savoir, alors son Iman va s'intensifier et s'accroître. Il dit, quatrièmement, ce qui dénote cela, c'est l'imam al-Bukhari. Il dit ce qui dénote cela, donc, quatrième point, l'imam al-Bukhari dit, il dit, lorsqu'il a cité la parole d'un sahabi, d'un compagnon, qui appela les gens en disant, asseyez-vous avec nous, ne serait-ce qu'une heure, nu'minu sa'a, asseyez-vous avec nous, on croira une heure. Dans le sens que dans cette assise, et bien pendant une heure de rappel, l'iman va s'accroître dans le sens de ça. Shir dit ensuite, pour que la foi augmente. Nu'minu sa'a, dans le sens, il dit, pour que la foi augmente. Et celui qui insiste à cela, alors il dit, il va ressentir que son iman augmente. Ce qui montre à l'assise, celui qui assiste à cela, Naram, il va ressentir que son iman augmente. Il dit cinquièmement, Majalisul Jannah. Il dit, ce sont les assises du paradis. Et il dit, ces gens-là qui assistent à cela sont peu. Les gens qui assistent aux assises du paradis, au cercle de savoir, sont peu. Il dit, comme les gens du paradis, par rapport aux gens de l'enfer, sont peu. Sont peu. Et il dit cela, et il a prouvé cela avec le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, si vous passez par un jardin, parmi les jardins du paradis, alors assiez-vous. Alors, lorsqu'ils demandèrent les compagnons, ya Rasulallah, et que sont-ils ces jardins du paradis? Alors le prophète a dit, les assises de science. Les assises de science. Sixième point ici, il dit, Majalis Maghfirah. Ce sont des assises de pardon. Où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Il y a absolution des péchés pour ceux qui assistent à cela. Alors le shir ici dit, alors que les gens ont de nombreuses fautes, ont de nombreux péchés, et dit, les gens ont besoin de ces assises. Ont besoin de ces assises et de ce pardon-là. Et dit, ce qui prouve cela, c'est lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans un récit, tous les enfants d'Adam, il les a décrits comme étant khatta, comme étant des gens qui commettent des fautes et des péchés. Des fautes et des péchés. Les hommes ne sont point infaillibles de commettre ces péchés, donc ils ont besoin de ce pardon. Et il a prouvé cela aussi avec un verset du Coran, qui prouve que les gens commettent beaucoup et commettent des fautes et des péchés. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Et ce que vous a et ce qui vous a atteint, traduction relative du sens verset, ce qui vous a atteint comme malheur, c'est ce que vous avez fait de vos propres mains. Et Allah est certes pardonneur. Pardonneur, traduction relative du sens. Et ils disent, c'est-à-dire que les gens commettent des fautes. Et il dit, la langue commet le péché, l'oreille, les pieds par lesquels on marche. Et il dit, les mains, le cœur, les yeux, tous ces membres-là commettent des fautes et des péchés. Et l'individu a besoin de l'absolution et du pardon de ses fautes. Et il dit, les gens qui assistent à ces assises-là ne seront jamais malheureux. Ne seront jamais malheureux, puisqu'Allah Jalla wa Ala pardonne. Pardonne par le biais de ces assises de science. Septièmement, il a dit, ce sont des assises de miséricorde. Des assises où qu'il y a clémence et miséricorde. Et il dit, huitièmement, ce sont des assises de sakina. Vous avez pu constater que lorsque Shir est arrivé au sixième point, il a réitéré deux fois le sixième point. Il a réitéré deux fois le sixième point. C'est pour ça que moi j'ai noté septième, huitième. Donc il a mentionné deux fois le sixième point. C'est pour ça que vous avez constaté qu'il a mentionné 10 points. 10 points. C'est pour ça que ici on a 11 points. On aura 11 points. Septième point donc, Majalis Rahma. Il dit huitième point, Majalis Sakina. Donc ce sont des assises de quiétude, des assises d'apaisement. Donc il y a une quiétude et apaisement. Il dit neuvième point, mérite Majalis Zikr. Ce sont des assises de rappel ou qu'il y a le rappel. Dixième point, Majalis Saada. Ce sont des assises de bonheur. Hein. Ce sont des assises de bonheur. Et il dit, il a mentionné cela, il a dénoté cela lorsqu'il a montré, il a cité la parole d'Ibn Taymiyyah qui dit, oh que sont pauvres les gens qui n'ont pas goûté à cela, qui n'ont pas goûté à ces assises. Oh qu'ils sont pauvres ces gens. Et onzième point et dernier point, c'est que ces assises sont comparables à des étoiles sur terre. Et il a mentionné les trois fonctions des étoiles, qu'elles lapident les démons, c'est une beauté dans les cieux, c'est un embellissement dans les cieux, et c'est une guidée pour les hommes, ceux qui sont en voyage pour se guider. De même, il dit, il a comparé la science à cela, que l'homme est guidé par cette science, et cette science est un embellissement, et cette science est une lumière et le préserve des démons. Voilà ce que j'ai pu tirer des paroles du Shir. Donc, s'il y a des manquements dans cela, on demande à Allah Jalla wa Ala qui nous pardonne. Fanas Allah Jalla wa Ala an yuwaffiqana li kulli ma yuhibbuhu wa yarda wa an yaj'ala hadha fi mizani hasanatina jami'an. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.